Le vendredi 6 janvier, ici Dominique Lelièvre et les informations. L'année touristique aura été exceptionnelle jusqu'au bout en 2016. L'occupation des chambres d'hôtel pendant le temps des fêtes a fait un bond de 4,3% par rapport à l'an dernier, selon ce que rapporte le quotidien Le Soleil. Le taux d'occupation a même atteint 94% dans la nuit du 31 décembre dernier. Selon l'Office du tourisme de Québec, ces résultats sont attribuables à l'offre d'activités diversifiées qui incluait pendant le temps des fêtes les festivités sur la Grande Allée, le nouveau parc aquatique du village vacances Valcartier, également les conditions idéales dans les stations de ski. La faiblesse du dollar canadien y est aussi pour quelque chose. Le Québécois Alex Harvey chute à la 4e place du classement général au Tour de ski qui a repris aujourd'hui dans le nord de l'Italie. Le fondeur de Saint-Ferréol a terminé 11e au 10 km style libre. L'athlète garde cependant le moral, observant que seulement quelques secondes le séparent des meneurs. Alex Harvey peut encore se reprendre aux deux dernières courses avant la fin de la compétition, dont le 15 km de style classique qui aura lieu demain. La ville de Lévis, n'a pas les compétences pour interdire les activités de parachutisme à l'aérodrome de Pintendre. La Cour supérieure a jugé que le parachutisme relève de l'aéronautique, qui est de compétence fédérale. La décision invalide donc les constats d'infraction qui ont été remis à l'entreprise de parachutisme, qui a d'ailleurs cessé ses activités il y a un an. La ville de Lévis a un mois pour porter sa cause en appel. Enfin, près de 60 millions de personnes en Asie ont regardé la série sud-coréenne qui a été tournée à Québec l'automne dernier. L'équipe de 70 personnes, incluant le fameux acteur qualifié de Brad Pitt de la Corée du Sud, avait attiré l'attention de nombreux Québécois en octobre dernier. La série mettait en valeur le château Frontenac et la fontaine de Tourny, selon les responsables québécois du tournage. Plus d'un milliard de personnes pourraient à terme avoir visionné les épisodes grâce aux rediffusions. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Du soleil et encore du soleil pour aujourd'hui et pour toute la fin de semaine. Cet après-midi, il fera moins 10 degrés à Québec. Demain, samedi, moins 10 également. Et dimanche, le mercure va chuter à moins 15 degrés. Présentement, à Québec, on a moins 12 degrés. Et avec le refroidissement éolien, on ressent moins 21 degrés.